Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On est arrivé hier donc à la lecture des fatwas de Cheikh Al-Fawzan dans Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, au point numéro 4 dans une question qu'on avait commencé à expliquer au sujet de comment s'accrocher, c'est quoi les règles et les principes pour qu'on reste accroché à la voie des salafs et pour pas qu'on s'égare. On avait expliqué trois points précédents, de retourner aux ulama, de prendre son temps et de bien vérifier les informations lorsqu'elles nous arrivent, et troisièmement, une fois qu'on a vérifié, d'essayer de régler les choses de la manière la plus correcte et de ne pas créer plus de problèmes. Et quatrièmement, c'est ça qu'on avait commencé à expliquer, de rester assis dans les cours des hommes de science et d'écouter leurs opinions et de lire les livres des salafs. Et donc on était rendu là. Le chef disait que en lisant les exemples de la vie de nos salafs et comment ils ont fait les exhortations, comment ils ont ordonné le bien, comment ils ont interdit le mal, comment ils ont réglé les problèmes à leur époque, on peut trouver des leçons pour ça, hein, pour nous, dans ces choses-là. C'est écrit dans leurs livres de biographie, c'est écrit dans les leçons, les livres de leurs histoires, qui racontent qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont agi, comment ils ont été véridiques, comment ils ont fait la réforme, et ainsi de suite. Et le cheikh, il mentionne le verset 111 dans Surat Yusuf, alayhi salam, et il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, il y avait certes dans leurs histoires une leçon, hein, pour les gens qui détiennent la raison, les ulil albab. Il dit, falinsan fardun, donc l'homme est un individu parmi les individus de cette umma, et la umma c'est chaque musulman, tous les musulmans en entier, du premier au dernier. Du premier, lorsque l'islam est apparu, jusqu'au dernier, à l'heure du jugement dernier. Donc ça, c'est la umma au complet. C'est ça la umma. Et le musulman, il retourne à la vie et à l'exemple des salafs et à leurs informations, à leurs leçons, les choses qu'ils ont fait pour régler les problèmes qui arrivent par la suite. Ils retournent à leur guidance. Ils retournent à leur biographie, hein, pour savoir c'était quoi leur voie, c'était quoi leur exemple, qu'est-ce qu'ils suivaient, c'était quoi leur parole. Ils ne se tournent pas, ils ne regardent pas la parole des gens qui se précipitent et qui sont pressés pour changer les choses et qui ne suivent pas les règles des ulama parmi les ignorants qui sont excités, tu vois, ils s'excitent. Ils sont remplis d'émotions, se basent sur l'émotion pour agir. Et ils incitent les gens à faire des choses par l'émotion et le sentiment, sans que ce soit basé sur une science et sur une compréhension. Il dit, وَكَثِيرٌ مِنَ الْكُتَيْبَاتَ الْيَوْمِ أَوْ الْمُحَادَرَاتِ أَوْ الْمَقَالَاتِ تَصْدُرُ عَنْ جُهَلَاءِ بِأُمُورِ الشَّرْعِ يُحَمِّسُونَ النَّاسِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِمَا لَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ بِهِ ولا رسوله ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية فالعبرة ليست بالقصد والنية العبرة بالصواب والحق هو ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف أما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخطئون ويصيبون فيقبل الصواب ويترك الخطأ. Donc le cheikh dit, il y a beaucoup de livres, des petits livres qui sont écrits à notre époque, beaucoup de conférences, beaucoup d'articles qui sortent, hein, de la part des gens qui n'ont aucune connaissance de la charia. Et ils excitent les gens, ils essaient de les faire agir par émotion, par sentiment. Dans des choses, hein, ils leur ordonnent de faire des choses que Allah n'a pas ordonnées, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même si ces choses-là se produisent par bonne intention, même si ces gens-là ils veulent faire ça par bonne intention, ils disent on veut réveiller les musulmans, on veut appeler à l'islam, le cheikh dit c'est pas ça qu'on doit prendre en considération, c'est pas juste l'intention de la personne, hein. son objectif. C'est pas ça qui est suffisant. Il faut voir est-ce que c'est correct qu'est-ce qu'il fait. Parce que qu'est-ce qui est la vérité? La vérité, c'est ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Mais les hommes, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Hein? Donc on prend qu'est-ce qui est correct et le reste, qu'est-ce qui est mauvais, on l'abandonne et on le laisse. Maintenant, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. السؤال أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة أعني بهم من يدعون السلفيين فهل هم على صواب فيما يفعلون أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. Donc ils ont posé la question au cheikh. On souhaiterait que vous nous expliquiez la parole, une parole au sujet des savants de Médine. Et je veux dire par là ceux qu'on appelle les salafiyines. Est-ce qu'ils ont raison dans ce qu'ils font? Et clarifier ça pour nous, au cheikh, clarifier la vérité à ce sujet-là pour nous, au notre cheikh. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il répond. Il dit, Al-Jawab, Ana uridu an tatrukuna min hadhihi al-ashya. تعيين أهل المدينة تعيين فلان وفلان أنا بودي أن تتركونا من تعيين أنا بودي أن تتركونا من تعيين فلان وفلان أهل المدينة كما سميتموهم أنا ما أعرف عنهم إلا الخير وأنهم على علم وصلاح وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس ما كذبوا على أحد وما ذكرت لكم وما ذكرت لكم هم ينقلون الكلام بنفسه بالصفحة والجزء والسطر ارجعوا إلى ما نقلوه فإن كانوا كاذبين فبينوه لنا جزاكم الله خيرا نحن لا نرضى بالكذب راجعوا كتبهم وانتقدوها هاتوا نقلا واحدا كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا أما أننا نقول للناس اسكتوا اتركوا الباطل لا تردوا عليه لا تبينوا هذا ما هو بصحيح هذا كتمان الله جل وعلا يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الشيخ qu'est-ce qu'il dit? Il dit la question premièrement, on a traduit la question déjà. Le cheikh, il répond, il dit, je veux que vous nous laissiez avec ces désignations que vous faites quand vous dites les savants de Médine ou les gens de Médine ou un tel ou un tel. Laissez-nous laissez de côté ce genre de choses, c'est-à-dire de désigner telle ou telle personne, en particulier dans les questions, parce que c'est le temps de poser des questions. Il dit, les gens de Médine, comme vous les avez appelés, il dit, moi je connais rien excepté du bien à leur sujet. Je connais rien d'autre que du bien à leur sujet. Et ce sont des gens qui parlent avec science et qui sont des gens de bien. Et ils ont voulu clarifier les erreurs de certaines personnes pour les gens. Des erreurs dans lesquelles certains auteurs sont tombés ou certains individus. Dans le but de donner le bon conseil aux hommes, ils n'ont pas menti sur personne. Ils n'ont pas menti sur quiconque. Comme je vous ai mentionné, ils transmettent et ils citent les paroles textuellement, en mentionnant la page, le volume et la ligne. Retournez aux citations qu'ils ont mentionnées, s'ils sont des menteurs. Clarifiez-nous ces mensonges. Que Allah vous récompense. Que Allah vous récompense dans le bien. Nous, on n'accepte pas et on n'est pas satisfait du mensonge. Hein? Retournez à leurs livres et critiquez ces livres. Hein? Et ramenez-nous une seule citation dans laquelle ils ont menti. Ou bien ils ont fait part de négligence. Et je serai avec vous dans ça. Mais que vous disiez aux gens, taisez-vous, parlez pas du faux, hein, laissez le faux, hein, ne clarifiez pas les choses pour les gens. Mais non, ça c'est pas correct. Ça c'est de cacher la vérité. Et ça c'est pas permis. Hein? Donc c'est comme si le cheikh il dit, yani, si vous voyez que ces gens-là ont critiqué un individu ou une personne, ils ont écrit un livre sur quelqu'un pour montrer ses erreurs, et qu'ils ont cité la personne textuellement telle qu'elle, avec la page du livre, retournez à tel livre, telle page, vous allez trouver la parole de l'auteur pour vérifier vous-même. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont cité les choses incorrectement? Est-ce qu'ils ont mal fait les références? Hein? Si c'est un mensonge, je suis avec vous. Mais si ce qu'ils ont dit c'est la vérité et que ces erreurs-là sont réellement dans ces livres, alors où est le problème? Vous voulez qu'on se taise, qu'on cesse de clarifier la vérité? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 187, dans surat Al-Imran, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le pacte de ceux qui ont reçu le livre, vous allez clarifier la vérité pour les gens et vous n'allez pas la cacher. Et il mentionne le verset aussi dans surat Al-Baqarah, le verset 159, qui dit « Et ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve claire et comme guidance, après que ces choses ont été clarifiées pour les gens dans le livre, ceux-là, Allah les maudit et ils sont maudits par tous ceux qui maudissent. » Donc ceux qui cachent la vérité qui vient d'Allah, ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et par toutes les créatures qui maudissent. Le cheikh il termine cette réponse en disant نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونسكت وندع الناس يهيمون هذا لا يجوز يجب أن نبين للناس من الباطل يجب أن نبين الحق من الباطل رضي من رضي وسخط من سخط نحن مع أهل الحق سواء كانوا من أهل المدينة أو من أي بلد. Donc le cheikh il termine en disant, nous on voit les erreurs, on voit les propagandes et on se tait et on laisse les gens errer dans l'égarement, ça c'est pas permis. Tu vois l'égarement, tu entends l'égarement, tu vois les gens qui disent n'importe quoi sur l'islam, qui parlent n'importe comment sur l'islam, qui appellent les gens à l'égarement. Toi, tu te tais, tu fermes ta bouche, tu dis rien, tu clarifies rien pour les gens. Ça, c'est pas permis. Il faut, c'est obligatoire de clarifier la vérité de qu'est-ce qui est faux. C'est obligatoire de le faire. Que celui qui soit satisfait, et que celui qui se fâche, se fâche. Hein, que ça fasse plaisir ou non, on est obligé de clarifier la vérité. Et nous, on est avec les gens de la vérité, que ce soit les gens de Médine ou que ce soit les gens d'un autre pays ou d'une autre ville. C'est pas l'endroit qui est important de désigner. C'est pour ça que le cheikh au début, il dit, c'est pas nécessaire de désigner de tel pays ou de telle ville ou de quoi. Les gens de la vérité sont là où ils sont, peu importe où ils sont. Hein, l'important, c'est qu'ils sont avec la vérité. Et la salat, c'est dans 2 minutes. Frère, Inch'Allah, il restait une question pour terminer le chapitre. Mais c'est pas grave, on va le terminer prochain cours, Inch'Allah. C'est la dernière question pour ce chapitre-là. Après, on commence un autre chapitre dans le livre, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.